Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Idée au micro. Nous avons fait la deuxième séance de la campagne Donjon et ça s'est très très bien passé. On est seulement lundi alors que j'enregistre, donc on a joué hier et on avait un joueur absent. Mais j'ai pas changé ce que j'avais prévu puisqu'on est un peu dans une phase d'exploration. Et on a trouvé une pirouette pour expliquer pourquoi le perso est absent. Simplement, il prend du repos parce qu'il avait été touché lors d'un des combats de la première séance. Donc, les PJ partent en exploration. Et pendant un moment, ils ont longé la côte au nord jusqu'à tomber sur une villa de bord de mer qui est peu à peu envahie par la dune de sable. Et donc, ils ont exploré cette ville-là. Mon inspiration pour le visuel de cette ville-là sur le sable, c'est les différentes plages où étaient construits des bunkers du mur de l'Atlantique, qui avant étaient bien haut sur le littoral, sur le rivage, et qui avec le temps se sont affaissés totalement, avec la mer qui est venue et chez le bas des rochers, etc. Et du coup, on trouve de nombreux bunkers en plein milieu des plages. Du coup, la villa, ça fait un peu ça. Donc à l'intérieur, ils sont tombés sur des cocatrices qui avaient élu domicile sous la coupole de la villa. J'ai mis un peu au pif, au feeling, les trois cocatrices contre mes quatre PJ, et c'était vraiment un combat tendu parce que on a une PJ qui a été pétrifiée. Heureusement, temporairement, seulement pour 24 heures, mais c'était assez sympa de confronter les joueurs et leurs personnages au danger. Et je suis contente de ne pas avoir fait ce que j'ai pu faire parfois dans d'autres scénarios, d'être tentée d'aider les PJ et qu'ils réussissent tout, etc. Donc je suis assez contente d'avoir été jusqu'au bout de l'utilisation des adversaires. Et parce que ce sentiment de danger, j'ai rarement réussi à le mettre en œuvre. Je pense notamment à notre campagne Trône de Fer, où il y avait des enjeux politiques, mais assez lointains, soit dans le temps, soit dans l'espace, ou les deux. Alors que là, on est déjà à la deuxième séance, et les PJ font attention, maintenant. Du coup, pétrifiés 24 heures seulement, ils sont restés sur place 24 heures pour attendre qu'elles soient dépétrifiées et revenues à elles. Du coup, une fois qu'elle est revenue à elles, ils ont continué à explorer la villa. Il restait simplement un niveau souterrain. Petit niveau souterrain, parce que c'est un peu envahi par le sable. Donc, il y avait juste une sorte de super cellier. Car c'est la villa d'un ancien marchand. Et qui se servait de ce super cellier pour cacher un petit peu de contrebande. Ce super cellier étant protégé par une porte magique qui se referme dès que quelqu'un entre avec de mauvaises intentions, ils ont rencontré deux squelettes dans le super cellier de voleurs qui avaient essayé d'ouvrir, qui avaient réussi à ouvrir mais pas à ressortir. Et donc ils ont combattu donc les squelettes, les PJ, et j'ai fait sortir une ombre de l'ombre. Ce qui a surpris mes joueurs, ce qui était chouette du coup. C'était la première fois dans un des combats qu'on fait où je change légèrement les enjeux de la scène en mettant un truc inattendu. Donc ça, faudra que j'essaye à nouveau, mais faut pas que ça devienne à chaque fois évidemment. Mais du coup, en fait, notre séance d'hier consistait à mener ces deux combats ainsi que le temps plus libre entre les deux combats. Et j'avais placé au niveau supérieur façon coffre-fort dans un mur, avec un mécanisme un peu énigme. Et dans ce coffre, j'ai placé deux gemmes qui font partie des gemmes de mon mystère des armes et armures à emplacement. J'ai pas dit tout de suite à quoi servaient ces gemmes au PJ. Il va falloir qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Mais ils savent déjà qu'une des deux gemmes, la malachite, elle a quelque chose de magique derrière elle. Elle est un peu magique, cette gemme. En effet, elle stocke un sort de mot de guérison. Et la topaze, qui était trouvée dans le même coffre, elle va générer des dégâts de foudre si elle est enchâssée sur une arme ou si elle est enchâssée dans une armure, elle protégera en partie contre les dégâts de foudre. Mais ça, les PJ ne le savent pas encore. La PJ qui l'a trouvée, c'est celle qui a résolu donc la petite énigme du mécanisme. Et elle a dit tout de suite, oh, je vais l'enchâsser sur mon luth, ça fera classe. Oui, c'est vrai, très bien. Du coup, soit je considère qu'elle arrive à l'enchâsser directement, à prendre en compte les capacités magiques et permet à son emplacement d'exprimer les capacités de la topaze, ou alors j'essaie de lui glisser un document qui lui explique comment enchâsser des gemmes. Peut-être que ça pourrait être bien que je mette ça à un endroit où il puisse trouver ce document avant qu'elle essaye d'enchâsser directement sa topaze. Donc je suis contente d'avoir pensé à mettre ces trucs-là. J'ai juste un regret sur ce coffre de ne pas avoir pensé à mettre des documents dedans. Quels qu'ils soient, dans un coffre-fort, on met de l'argent, mais des pierres précieuses, mais on peut mettre aussi des documents importants. Et j'y ai pas pensé. Alors est-ce que je fais une sorte de retcon à la prochaine séance en disant en fait il y avait tel document? J'aimerais éviter, mais peut-être je vais le faire quand même. Je suis pas trop sûre, il va falloir que je décide. En parlant d'énigmes, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un journal d'alchimiste à décrypter pour un des persos. Et ben voilà, c'est décrypté. Moi je pensais que ça durerait peut-être quelques mois ou au moins quelques semaines, et non. C'est donc la joueuse d'Hermine s'est plongée dans le journal d'alchimiste d'Edan. C'est Edan qui est l'alchimiste, mais je savais que la joueuse d'Hermine allait se plonger dans le truc. Et du coup, c'est déjà décrypté. Elle m'a dit qu'elle a beaucoup aimé faire ça, etc. Donc c'est très cool qu'elle ait aimé et que ça se soit bien passé. Du coup, je vais leur fournir plus de documents à décrypter, vu qu'elle aime bien ça. C'est elle qui a résolu le mécanisme. Et j'ai profité de ces réussites de décryptage et d'énigmes pour donner des XP à l'ensemble du groupe, car ça me semble une chouette idée de récompenser le groupe pour les actions d'une personne. Comme ça, elle a la sensation d'aider le groupe à progresser, même si c'est quelque chose qu'elle est seule à avoir faite. Si j'avais donné des XP que au PJ dont la joueuse a fait le truc, j'aurais donné peut-être, je sais pas, 20 XP ou 30 XP. Là, j'ai choisi de donner peu, donner 10 XP, mais 10 XP à tout le monde. Pour l'instant, ça me semble une bonne idée. Peut-être que je vais voir plein d'effets pervers derrière, mais j'ai envie d'encourager les joueurs à s'investir, s'impliquer dans le background ou ce genre de choses. Pour moi, prendre sur son temps libre entre les séances pour penser à la campagne et faire des trucs par rapport à ça, ouais, ça je trouve ça chouette. Et j'ai envie de récompenser les joueurs pour ça. Du coup, j'espère que ça va faire servir d'exemple pour que les autres s'investissent ou en tout cas soient conscients qu'ils peuvent aider le groupe en faisant des trucs. Donc cette séance s'est super bien passée. J'ai recommencé ce qui va devenir un petit rituel qu'en fin de séance, on fasse un tour de table pour que chacun dise un truc qu'il a bien aimé et leur rappeler que de m'envoyer un message entre deux séances pour ceux qu'ils ont le moins aimé dans la partie, que ce soit au niveau dynamique de groupe ou type d'interaction qu'ils n'ont pas réussi à avoir ou qu'ils souhaiteraient qu'il leur manque. Tout ça, tout ce qui pourrait gêner le plaisir, gêner le fun, qui me fasse remonter pour qu'on en discute ensemble et que je vois si je peux améliorer leur expérience de jeu. Donc on n'a pas vraiment avancé les différents mystères, etc. Je voulais les confronter aux conséquences de leurs actions précédentes, notamment face aux kobolds et aux gobelins. Ce sera pour la prochaine séance, quand ils vont recommencer à explorer. Là, c'était une sorte d'aparté, ce que ça nous a pris l'après-midi pour faire tout ça. Mais sortons de donjon et j'ai d'autres trucs à vous dire, dont certains que j'ai un peu teasés sur Twitter. Mais d'abord, je vais vous parler du prix Pixie. Le prix Pixie du jeu de rôle francophone est une création très récente, ça a une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. Ça a pour but de récompenser des jeux francophones sortis en 2019. J'ai été sollicitée pour faire partie du jury, j'ai accepté, ça m'a fait très plaisir qu'on me propose. Je pense que ça va être une belle aventure. Ça va porter sur des jeux sortis en 2019, francophones, c'est-à-dire soit écrits en français, soit traduits en 2019. Il y aura différentes catégories qui devront être définies par le jury. Ça, c'est notre première tâche en tant que juré, de définir les différentes catégories. Puis, ensuite, le public sera normalement sollicité. Alors, je ne sais pas encore trop de quelle manière, tous les détails ne sont pas encore au point. Et après, on pourra, en fonction des différentes catégories et des différents jeux nominés dans chaque catégorie, examiner tout ça et décerner les prix. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date précise de mise au point, de prévue, tout comme il n'y a pas encore de plateforme officielle disponible, mais ça devrait arriver bientôt. Ne vous inquiétez pas, si vous me suivez sur Twitter, je repartagerai les infos dès qu'il y aura des infos précises et du solide. Je vous mettrai en lien le lien vers le Discord d'organisation, si ça vous intéresse de venir jeter un œil et voir comment ça s'organise de l'intérieur et ce qui est déjà prévu. Donc voilà le prix Pixie du jeu de rôle francophone 2019. Et enfin, je vais arrêter le teasing davantage. Sur Twitter, ces derniers temps, j'ai parlé d'un fameux. Enfin, fameux. J'ai parlé d'un projet D. Le projet D, c'est D comme Dédale. Ça va être mon mini-magazine à moi. Bon, je crée un zine à parution irrégulière où j'ai envie de publier mes trucs. Et dans un premier temps, je vais partager les différents donjons que je prépare pour ma partie et les différents donjons tels que je les joue en partie. Donc le tout premier numéro va traiter du tombeau de Thordak qu'on a exploré lors de la première séance de notre campagne Donjons et Dragons. Donc c'est un donjon très basique. Je le sais, je vous préviens, il y a deux pièces et il n'y a pas beaucoup de mystères, d'aventures. C'est un projet qui me fait envie et j'essaierai de vous apporter donc non seulement la description du donjon lui-même, mais des éléments de contexte pour approfondir l'histoire des terres émergées, etc. Donc, le zine des dalles, qui ne sera pas uniquement sur de la fantasy ou sur ma campagne donjon. J'ai d'autres projets. C'est aussi le dédale de mes idées et de mes univers. Donc j'ai des grands projets pour ce petit zine. Et je peux vous annoncer en avant-première et exclusivité que le premier numéro est bouclé, donc le tombeau de Thordak. Je vous mettrai le lien dans les commentaires dans la description de l'épisode du podcast. et vous aurez accès en avant-première à ce numéro. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dessus, sur l'idée elle-même si vous le souhaitez, sur le rendu du petit magazine, parce que je fais mes débuts en maquette avec ça. Donc voilà, indulgence demandée, critique constructive s'il vous plaît. Et je crois que j'ai dit tout ce que je souhaitais discuter aujourd'hui. Je vous remercie de m'écouter. Ça me fait très plaisir de voir que je suis un peu suivie. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, les différents épisodes ou dans sa globalité. Vous pouvez me joindre sur Twitter. @ c'est chrisdoc avec deux S. Et, ou sinon par mail si vous le souhaitez. Il y a une adresse mail qui est dudéoclavier@gmail.com. Donc merci à vous et à très vite.